peut empêcher la tête tourner. Pour for you, moi peut prendre soleil en l'âme moi. La tête tournait. For you.